raison que l'on se mette à pleurer. Y'a pas de raison parce que tu veux t'en aller pour vivre. Vivre ailleurs qu'ici. Y'a pas de raison pour en faire toute une histoire. Y'a pas de raison pour qu'on dessine tout en noir. Faut faire. Même si toi tu n'es plus là, j'espère, j'espère, mais j'y crois pas. Y'a pas de raison que je descende plus au jardin. Les fleurs ça pousse même quand on a du chagrin, c'est bête.